Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Air Libre, bienvenue chez Tranche d'Anard, émission anarchiste. Ce soir, nous avons invité Fabien de Lire et Écrire, une association accompagnant des personnes en difficulté de lecture et d'écriture. Le 8 septembre dernier, Lire et Écrire, avec d'autres associations et organisations, a mené une action dénonçant la dématérialisation des services d'intérêt général. Nous vous passons d'abord le son d'une vidéo de Lire et Écrire, qui est une excellente introduction dans la matière. Je commence par le mot « invisible ». Pour nous, invisible, justement, on essaie de moins se rendre invisible, de montrer aux gens que d'avoir des difficultés en lecture et écriture, ça ne sert à rien de nous mettre de côté et de moins nous... C'est pour mieux se faire connaître et pas montrer que, ouais, justement, on compte quand même, qu'on est là aussi. Les préjugés, bah, maintenant, on a beaucoup de préjugés. Par exemple, quelqu'un qui sait pas lire et écrire, peut pas faire ça. Comment ça se fait qu'en étant belge, tu sais pas ta langue maternelle ou pourquoi t'as du mal à écrire, c'est pas logique, t'as été à l'école, t'as fait tes secondaires. Et pour nous, ben, forcément, ils nous préjugent tout le temps, mais sans savoir justement notre parcours. En 2021, nous estimons que, comme Jérôme, 10% de la population belge adulte est en difficulté avec la lecture et l'écriture. À l'école. Pour l'école, ça a été un moment... Vu que je vivais chez mes grands-parents, j'étais en enseignement normal et que du jour au lendemain, j'ai dû habiter chez ma maman et qu'on m'a tapé en enseignement spécial. Je me suis retrouvé avec des élèves qui étaient d'un niveau plus bas et plus jeune que moi. Donc je me suis plus consacré à tout ce qui était manuel parce que les professeurs n'étaient pas aptes à savoir m'aider justement dans ma situation. Et je me suis rabaissé justement au niveau des autres élèves, donc justement me créer encore plus de difficultés moi-même. Qu'est-ce que je dirais plus aux parents ou à l'école d'essentiellement normal? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est arrêter de mettre les élèves dans les enseignements spéciaux comme si c'était des écoles poubelles. La liberté, ben, c'est justement pouvoir dire qu'un jour je n'ai plus besoin d'aide pour quoi que ce soit, de pouvoir vivre ma vie tout seul, de pouvoir me débrouiller tout seul sans devoir compter sur telle personne ou alors demander à quelqu'un d'autre pour m'aider, ça c'est pas très non plus valorisant, donc forcément ça me permettrait d'être enfin libre. Durant des siècles, en Europe, savoir lire fut le privilège presque exclusif des ecclésiastiques. C'est l'instauration progressive de l'éducation obligatoire qui va changer la donne. En Belgique, une première initiative législative est prise en 1842, quand toutes les communes belges sont obligées d'ouvrir au moins une école primaire sur leur territoire. L'évolution des politiques publiques au XIXe siècle font que, entre 1880 et 1947, nous passons d'un taux d'alphabétisation en Belgique de 57% à 97%. Depuis 1947, nous n'avons plus de chiffres précis. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu es comme quelqu'un qui est perdu. J'ai envie d'apprendre lire et écrire pour servir au moins ma famille. Surtout mes enfants qui sont à l'école, s'ils envoient leur cahier, dire que « Ah, papa, on nous a dit de vous donner ça et que vous allez corriger. » Nous, on va signer seulement parce qu'on ne peut rien corriger dedans. On ne sait pas ce qui est écrit, on signe seulement, on dit « Bon, alors, mais s'il y a des problèmes après, on va dire que c'est la faute à l'enfant, mais ça, ce n'est pas la faute à l'enfant, c'est la faute à nous. » Les parents qui n'ont pas étudié. On distingue deux types de parcours liés aux adultes en difficulté de lecture et d'écriture. Les parcours liés à une scolarité en Belgique qui n'a pas permis d'acquérir les compétences de base en lecture et écriture niveau CEB. Et les parcours des personnes qui n'ont pas ou peu été scolarisées dans leur pays d'origine et dans leur langue. Bonjour, je m'appelle Carlos, je suis brésilien. J'aime sortir parfois pour regarder la nature, regarder de bons bâtiments, parce que j'aime de faire des dessins d'art, j'aime l'architecture. Au début, lire et écrire comme un prénom, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas même écrire, mais grâce à formateur et formatrice de lire et écrire, ça est devenu plus facile. Mais là, un problème est réglé, mais commence l'autre problème, c'est les ordinateurs. Parce que dans ma vie, jamais touché. Maintenant, je touche. Et là, je même connaissais pas le clavier. Je touche là, mais c'est pas la même chose. Parce que l'ordinateur, il est programmé pour faire des choses. Mais c'est vous qui va dire, ordinateur, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, il ne sait pas. Les distributeurs des cartes de transport de la STIB, tout le monde n'arrive pas. Moi, quand j'ai, par exemple, mon abonnement se termine, c'est la fin de l'année. Si je n'ai pas d'argent, par exemple, j'ai un petit 2 euros, je n'aurais pas utilisé. Hein. J'arrive pas. Pour prendre juste un ticket, c'est ça? Oui, rien que pour un ticket, j'arrive pas. Mais comme maintenant, c'est les machines, des fois, je ne sais pas où il faut appuyer, j'appuie au hasard. Les boutons et... Ah, c'est... Parce qu'il y a les services. Voilà, c'est ça. Il faut savoir fonctionner avec cette machine. Sinon, ah, on oui, est pour là. Pour s'enregistrer, planté. Oui. Oui. Normalement, moi, je ne voyage pas parce que je n'arrive pas encore à contrôler ça. Aujourd'hui, comme pour Yvette et Carlos, Jérôme et Amadou, les technologies de l'information et de la communication s'invitent dans les compétences de base. Et maîtriser les outils numériques présuppose la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Je m'appelle Vandana Belle Pascal, j'ai 55 ans et je suis né à Tubize. Quand j'étais petit, on a eu un petit accident. Et après, bon, pour aller à l'école, j'arrivais pas à suivre. Il y avait beaucoup de moquages avec des autres personnes dans les écoles. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de lire et écrire. Dans ma vie de tous les jours, le problème, c'est les transports. Je prends tout le temps les mêmes transports parce que c'est les seuls que je connais. Et les grosses difficultés, j'ai encore eu le tour hier, c'est quand on doit aller à la poste pour envoyer un recommandé. Comme on ne sait pas remplir la feuille, on nous dit non, nous on ne le fait pas, on est un peu rejeté un peu dans la société. Voilà, c'est tous ces problèmes-là pour envoyer des courriers, il faut tout le temps dépendre de quelqu'un. Ton intimité, tu ne l'as plus parce que tout le monde lit tes courriers, tout le monde. Ça, c'est les grandes difficultés qu'on vit dans la vie de tous les jours. En fait. Pour chercher du travail, c'est souvent des problèmes. Les tests, ça passe. J'ai fait les tests, j'ai réussi tous les tests et tout. Et bon, le problème qu'il y a, c'est toujours savoir pas lire ni écrire. Bon, des fois, tu dois te présenter chez des clients, ils laissent un petit mot, tu as ça à faire. Pour faire une réunion, tu arrives à la réunion, tout le monde il tape à l'ordinateur et ça. Alors, il dit, moi, je ne sais pas me servir d'un ordinateur parce que je ne sais pas lire ni écrire, tu n'as rien à voir ici. Alors, devant tout le monde, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Et ça, c'est gênant, tu vois. Il doit avoir aussi les bureaux de poste. Et pour les papiers, pour les impôts, qu'il y a des gens qui nous aident à remplir. Moi, franchement, je vais être honnête, je recevais mes papiers d'impôts, je ne les envoyais pas. Parce que, voilà, ça restait là. Juste parce qu'on avait peur d'aller demander quelque chose à quelqu'un pour nous remplir. C'est bon, c'est arrivé comme ça. Ah ouais. Ou bien t'as une an pour aller voter, c'est pareil. Je trouve qu'ils pourront faire quand même un... quand même laisser une chance à tout le monde parce que au fait c'est pas parce qu'on sait pas lire ni écrire que pour ça on sait pas travailler. Moi j'ai réussi mes permis de conducteur d'engin malgré que je savais ni lire ni écrire et bon j'ai eu de la chance avec le truc que j'ai fait pour les permis qui m'ont laissé ma chance en oral. S'il n'aurait pas voulu me faire passer à l'oral, ben jamais j'aurais réussi dans ma vie pour avoir mes permis de conducteur d'engin. Et j'aurais toujours été le petit manœuvre qui reste toujours à faire tout ce que tout le monde y dit. Alors moi je dis que c'est pas parce qu'on ne sait pas lire ni écrire qu'on est bête pour ça. Il n'y a pas que pour moi, hein, parce qu'il y a, bon, il y a aussi des personnes qui viennent des autres pays, qui sont étrangers. Ils ont les mêmes difficultés que nous. Ils ne savent pas très bien le français, ils ne savent pas très bien lire le français non plus. Et je trouve que ces gens-là, ils ont le droit, comme tout le monde, d'avoir la chance de passer les permis comme tout le monde. Comme pour Jérôme, Carlos, Amadou, Yvette et Pascal, être analphabète aujourd'hui en Belgique signifie une difficulté à trouver un emploi, une difficulté à se soigner, une difficulté à faire valoir ses droits sociaux, une difficulté à suivre la scolarité de ses enfants, une difficulté d'accès aux services de première ligne, une vulnérabilité sociale et une difficulté de participation pleine à la société. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je meurs. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te se rappelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Parce que justement, non, ils ne sont pas bêtes. Et ils sont, voilà, il se fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'école comme la plupart d'entre nous, mais ça n'en fait pas pour autant des gens bêtes ou diminués de quelque manière que ce soit, quoi. Oui. Alors, on estime en fait qu'un adulte sur 10 éprouve des difficultés à lire et écrire en Belgique. Oui, tout à fait. C'est assez énorme, un adulte sur 10. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études précises qui est réalisé en Belgique. Donc on se base sur des études réalisées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, et on extrapole un petit peu les chiffres de ces pays pour arriver à cette estimation en Belgique. Oui. Il faut savoir que, je n'ai plus exactement en tête, mais je pense que c'est une personne sur 5 quasi au maximum en Belgique un diplôme de niveau CEB. Donc ça fait déjà 20% qui a tout au plus le diplôme du CEB, donc de 6e primaire. Ok. Donc 10%, c'est sans doute pas surévalué, quoi. Ok. Et alors, moi, je voulais savoir quelle était la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme. Oui, tout à fait. C'est une question qui revient souvent. Donc l'illettrisme, ça désigne des situations où les personnes ont été scolarisées, mais sont sorties de l'école sans avoir acquis les compétences de base, donc en lecture, en écriture, en calcul, soit ne les ont pas acquis suffisamment, soit les ont acquises et puis les ont oubliées de par la vie, des accidents de la vie. Il y a des tas de raisons, mais qui fait que les gens ont oublié, n'ont pas pratiqué et ont oublié. Donc ça, c'est l'illettrisme. L'analphabétisme désigne des situations de personnes qui n'ont pas été à l'école. Et donc n'ont pas oublié ou quoi que ce soit, c'est qu'elles n'ont pas eu la chance, la possibilité d'aller à l'école, tout simplement. Ok, normalement, que ce soit des illettrés ou des analphabètes, on les traite de la même façon. Enfin, dans les formations ou dans les choses comme ça, ils sont pris sur le même plan pied d'égalité. Oui, alors en tout cas chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vrai qu'ils vont être, on va les retrouver au sein des mêmes formations. Je pense qu'en France, par exemple, c'est beaucoup plus séparé et qu'il y a vraiment des actions pour l'illettrisme et puis il y a un petit peu moins, mais pour l'analphabétisme. Mais chez nous, en tout cas, on va retrouver dans nos groupes des personnes à la fois illettrées et à la fois analphabètes. Ok. Et alors, quelles sont les causes, d'ailleurs, de l'illettrisme ? Pardon ? Les causes de l'illettrisme ? Alors, les causes de l'illettrisme, ben, c'est l'école. C'est-à-dire que ce sont donc des personnes qui ont été à l'école et puis qui en sont sorties sans avoir appris ce que l'école devait leur apprendre. Alors pourquoi ? Ça, il y a plein de parcours différents. On peut avoir, on l'a entendu dans les capsules, hein, des personnes qui, suite à des accidents, des parcours de vie, à un moment se sont retrouvées dans le fond de la classe. Et puis on les a laissés dans le fond de la classe toute la scolarité. Quand ils en sont sortis, ils n'ont pas appris ce qu'ils devaient apprendre. Donc ça, c'est souvent des parcours, des témoignages comme ça qu'on reçoit. Des gens, ils ont été à l'école, mais ils n'ont pas appris à l'école. Mais il n'y a pas que ces causes-là, quand même. Si, ce n'est pas uniquement l'école qui est responsable de l'illettrisme des gens. Alors, ben, c'est quand même pour nous la cause première, puisque c'est la mission de l'école. La mission de l'école, c'est de permettre à chacun d'avoir accès justement aux connaissances. Maintenant, on va trouver des environnements de vie, des parents qui ne sont pas en capacité de suivre la scolarité, qui ne sont peut-être pas en capacité d'aller interpeller l'école sur le fait qu'elle ne remplisse pas sa mission. Voilà, donc on va trouver évidemment des tas d'autres choses, mais fondamentalement, pour nous, c'est un devoir vraiment de l'enseignement, d'être accessible à tout le monde et de faire en sorte que tout le monde puisse apprendre à l'école, indépendamment des situations familiales qu'on peut rencontrer chez les gens, quoi. Alors, je voulais vous lire un extrait d'un article qui avait été publié dans le journal de l'Alpha sur les causes de l'illettrisme. C'était en 2008. C'était à la suite d'un colloque qui avait eu lieu en février 2008 par Lire et Écrire. Et alors, il y avait un petit morceau d'article qui disait « L'analphabétisme, plutôt qu'un problème individuel, est d'abord un problème politique lié à l'exclusion d'une partie de la population des circuits de participation et de communication. Lié au développement d'une société inégalitaire qui a besoin de bras sans cerveau ou de cerveaux formatés pour un usage précis, une société qui a besoin de bonnes et de mauvaises écoles, pourtant jugées bonnes pour certains enfants, les enfants de pauvres, les enfants de migrants. Une société dans laquelle les handicapés sociaux, ceux qui ne savent pas lire, constituent une main-d'œuvre bien plus rentable pour les entreprises de travail adaptées que les personnes souffrant véritablement d'un handicap. Notre société aurait-elle besoin d'une population illettrée ? Oui, donc ça c'est la question qu'on pose, hein, puisque ce chiffre en fait de 10% de la population, c'est un chiffre qu'on avance depuis plusieurs décennies maintenant. Dès la création de Lire et Écrire au début des années 80, on parlait déjà de 10%. Et donc effectivement, il y a un moment où on se pose la question de savoir mais comment ça se fait qu'on est toujours à 10%? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part un mode de fonctionnement, d'organisation de la société qui aurait besoin quelque part de ces 10% d'analphabètes pour fonctionner comme elles fonctionnent, on va dire. Oui, pour pouvoir avoir des manœuvres pas chères et permettre aux entreprises d'employer des gens qu'on peut payer à moindre coût. Voilà, par exemple, vous pouvez faire pression sur avoir une réserve de main-d'œuvre peu qualifiée et des personnes qui n'ont pas appris à faire valoir leurs droits. Oui. Ok. Mais je trouve ça un peu grave quand même. Ah ben oui, c'est révoltant, oui. Tout ouais. À fait. C'est un peu comme les sans-papiers en fait. Qui ont aussi une certaine fonction dans la société, ce sont aussi des main-d'œuvre mal payées. Ouais. Ouais. Oui, mais enfin bon, je trouve ça pour des gens, mais eux, ils ont des papiers, donc normalement, ils devraient être considérés comme des gens à part entière, pouvant travailler normalement et avec des droits normaux. Les sans-papiers, ils n'ont pas de papiers, donc on les exploite, mais pourquoi exploiter des gens qui ne savent pas lire et écrire? C'est ça le problème. Oui, et on voit bien aussi que c'est globalement un secteur qui n'est pas beaucoup pris en compte non plus. C'est comme un secteur qui repose énormément sur les bénévoles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de financement, il n'y a aucune formation qui existe. Tout ce qui existe, c'est un brevet d'études spécialisées à Bruxelles, mais qui n'est pas un niveau bachelier, par exemple, ou quoi que ce soit, qui permettrait d'avoir un statut vraiment reconnu de formateur en alphabétisation. C'est un métier où il n'y a pas vraiment de formation en lien avec. Et énormément de bénévoles qui assurent les formations d'alphabétisation. Ah oui. Ce qui peut faire penser aussi qu'on ne prend pas vraiment la pleine mesure de l'importance Et pourtant, on essaye de faire de l'école... les différents ministres... qui sont passés veulent qu'il y ait une société qui puisse fonctionner au niveau de l'école et que l'école soit quand même quelque chose qui puisse permettre de sortir les gens pour pouvoir accéder à une vie de travail après ou autre chose. Mais oui, ça c'est tout ce qu'on souhaite évidemment. Hein. Donc nous ce qu'on souhaiterait c'est quelque part pouvoir disparaître, ne pas être là et qu'on n'ait pas besoin... en sortant de l'école, d'avoir, de suivre des formations de remise à niveau ou d'apprentissage vraiment de la lecture, de l'écriture, du calcul. Mm-hmm. T'avais une question, Hans ? Oui, ben ça me frappe. Le fait que vous dites le calcul, parce que c'est pas juste lire et écrire, c'est aussi calculer. Oui, alors c'est souvent, on pense, quand on pense alphabétisation, on pense souvent lire et écrire, mais c'est vrai que c'est lire, écrire et calculer. L'importance aussi des mathématiques et des opérations, de pouvoir calculer, on calcule tout le temps, hein, quand on fait des courses, quand on va au magasin, donc oui, c'est important de pouvoir calculer, d'avoir le raisonnement mathématique aussi. Qui va avec. Ok. Alors, je voulais savoir à quel public vous adressez-vous à lire et écrire ? Alors nous, on s'adresse à toute personne adulte, donc puisque on n'est pas là pour pallier à l'école, mais on vient après, donc qui n'est plus en âge d'être scolarisé, donc au-delà de 18 ans, toute personne adulte qui n'a pas acquis le niveau de compétence équivalent au CEB, en sixième primaire. Donc qu'elle soit illettrée ou analphabète, donc qui n'a pas été, à l'école. Et alors, sans aucune distinction. Et au niveau des enfants, alors comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Il y a d'autres organismes qui existent pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage ? Oui, normalement, les enfants sont scolarisés en Belgique, donc la scolarité est obligatoire. Et donc, normalement, les enfants relèvent de l'enseignement de manière générale. Oui, d'accord. Mais si à partir du moment où ils ont des problèmes d'apprentissage, moi, j'ai le cas d'une femme guinéenne qui a été obligée de venir en Belgique d'une façon un peu rapide parce qu'elle avait des problèmes avec le gouvernement guinéen. Donc, elle a abandonné ses enfants en Guinée pendant 7 ans. Et maintenant, par regroupement familial, elle a eu ses papiers. Donc, par regroupement familial, elle a fait venir ses filles. Et la dernière, quand elle est partie, elle avait 1 an et demi. Et elle a énormément de problèmes. Donc, 1 an et demi, maintenant, elle a 8 ans ou 9 ans. On l'a mise dans une classe normale, vu son âge. Mais elle n'a pas du tout le niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour ces enfants-là, quoi ? Ah, ça, j'ai pas la réponse de ce qu'il faut faire, mais je sais qu'il y a des dispositifs normalement pour accueillir ces enfants-là, des classes de primo arrivant ou des classes passerelles. Maintenant, je sais que c'est très compliqué pour les enseignants. Ils sont aussi démunis parfois en termes d'outils ou comment on fait. Ils ont parfois un cours spécial en français, mais après ils suivent les cours avec les autres enfants. Et là, les professeurs sont démunis parce que ils ne savent pas toujours comment faire. Mais j'avoue que je connais un petit peu moins comment ça se passe à ce niveau-là. Il y a quand même des structures qui existent pour permettre à des enfants de ne pas rester dans un système scolaire normal et de pouvoir aller... je ne sais pas, ça me paraît très normal. Oui, normalement, au niveau de l'école, ça devrait être pris en charge. Oui. Mais en parlant du Guinée, est-ce qu'on va écouter un témoignage ? Oui, tu peux écouter le témoignage de la Guinéenne. Moi, simplement, avant d'écouter le témoignage, en fait, je vais expliquer que oui, il y a des moyens, en fait. Normalement, en fait, l'école va vers le centre PMS des communes. Et eux, en fait, après, ils dirigent les enfants vers certains types d'écoles, comme ils disent, des petites sets et tout, pour récupérer, en fait... ce qu'ils ont perdu ou pas gagné encore, pour après faire des passerelles, en fait, pour revenir dans les écoles. Il faut encore que les PMS répondent, parce qu'en ce moment, ils ne répondent pas beaucoup. Ouais, c'est ça le problème, c'est ça. Voilà, donc il y a des dispositifs qui existent. Maintenant, il y a des enseignants qui sont parfois démunis parce qu'ils n'ont pas toujours les outils adéquats. Il y a parfois on les oriente vers des filières spéciales alors qu'ils n'ont pas de problème cognitif quel qu'il soit, c'est juste un problème de langue, donc parfois ça ne résout pas, etc. Mais normalement il y a des choses, en tout cas, qui devraient pouvoir être offertes à ces enfants, ouais, et à ces familles. Ouais. Okay. En fait, c'est pas le témoignage d'une Guinéenne, c'est le témoignage d'une Nigérienne qui habite en Côte d'Ivoire, qui vient de Côte d'Ivoire. Ouais. Ok. Bonjour. Bonjour madame. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Chitou Muneratu. Oui. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je suis Nigérienne. Oui. Et je suis en Belgique ici depuis 2020. Oui. Je fais une formation de alphabétie, de savoir lire et écrire. Oui. J'ai un beaucoup de soucis en Belgique ici que depuis le Covid, c'est vrai, les entreprises sont fermées. Et quand on prend des rendez-vous, on nous dit de prendre le rendez-vous sur le mail, soit sur l'ordinateur. On en marque de ça. Comme moi, comme ça, je prends un exemple. Comme moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Aujourd'hui, si je vais dans une entreprise pour prendre un rendez-vous, elle me dit, madame, prenez un rendez-vous sur le mail. Et je leur dis toujours que je ne sais pas lire. Et elle me dit, non, qu'il ne sait pas qu'est-ce que faire. On ne veut plus ça encore. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des numéros. Et on veut que les gars nous respectent. Et on veut que la solidarité soit faite en Belgique ici. Et on veut que toutes les entreprises sont fermées depuis le Covid. Ils n'ont qu'ouvert les entreprises parce que j'ai constaté que c'est parce que les entreprises sont fermées que ça fait qu'il n'y a pas assez de gens pour travailler. Et ils n'ont qu'embauché des gens de travailler. Quand tu vas dans les guichets, dans plus de guichets sont là, il y a deux personnes seulement, tu accueilles des gens. Et on ne veut plus ça. Ils n'ont qu'ouvert tous les guichets et ils n'ont qu'à mettre des gens dans les travaux. Ils n'ont qu'à travailler comme il faut et comme ils sont. Si ils savent qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas de gens pour travailler, et ils n'ont qu'à nous embaucher pour travailler. On ne veut pas rester là pour être comme robots. On ne peut pas. Et on ne veut plus encore des ordinateurs, des mails sur le rendez-vous. Et on veut on veut aller à l'accueil, qu'une seule personne soit à l'accueil pour nous accueillir, pour nous expliquer comment on soit fait, comment on va marcher, comment on va faire. C'est ce qu'on veut de la Belgique. Et on veut la solidarité, le respect. C'est ce qu'on veut. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas respecté? Oui, on n'est pas respecté. Aujourd'hui, quand on nous dit de faire la file, on peut faire 2 heures du temps, 3 heures du temps sur la file. Ce n'est pas normal. Et on a des trucs à faire. On peut pas. Les gens n'ont qu'à nous respecter. Aujourd'hui, quand tu vas dans une entreprise pour prendre rendez-vous, quand on te donne la fiche pour remplir, quand tu dis monsieur ou madame, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, on ne nous respecte pas. Et on nous dit qu'ils n'ont pas le temps. On ne veut plus ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous respecter comme ils soient. Et tu sais, vous savez faire fonctionner un ordinateur ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais même pas taper l'ordinateur parce que je ne sais pas lire. D'accord. Ok. Et là, vous êtes en apprentissage à lire et écrire? Oui, je suis. Oui, okay. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Si je finis de faire mon formation d'alphabétisme, je sais savoir lire et savoir bien écrire, j'aimerais travailler. J'aimerais travailler socialement parce que. Je ne veux pas rester à la maison sans rien faire. Je vais travailler pour pouvoir aider des vieilles personnes qui sont en pension. Parce que je sais que la Belgique aussi n'a pas assez de colonies. Sinon, tout on travaille, on va aider la Belgique de pouvoir progresser encore. Ok. Et vous êtes venue ici en Belgique pourquoi? Je suis venue ici en Belgique parce que j'ai aimé la Belgique. Oui. Ah, ok. Uniquement parce que vous aimez la Belgique. Oui, parce que j'ai aimé la Belgique et j'ai aimé encore j'ai aimé la Belgique pour soins médicaux et j'ai aimé la Belgique encore pour beaucoup de choses. J'ai aimé la Belgique pour ça. Ok, ça va. Et vous êtes venue et vous avez eu vos papiers? Oui, j'ai des papiers parce que je suis rentrée ici comme groupement familial. C'est mon mari qui m'a fait venir ici. Ah, c'est votre mari? Oui, ah, oui. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai des et enfants. Ils vont à l'école? Ils vont à l'école. Et ils sont petits? Oui, j'ai une fille de 10 ans et j'ai un petit de 6 ans et j'ai un bébé encore de 6 mois. Et votre fille, elle apprend le français? Oui, non, elle apprend le néerlandais. Ah, elle est en néerlandais. Oui, néerlandais. Vous savez parler néerlandais? Non, je ne sais pas parler. Parce que c'est mon mari qui parle le néerlandais avec eux, parce que lui, il a fait la formation de ça. Et c'est lui qui parle avec eux à la maison. Mais souvent aussi, les enfants aussi m'apprennent à savoir parler en néerlandais, comment on dit, comment tu t'appelles. C'est eux qui m'apprennent les enfants à la maison là-bas. Ok, ok. Bah écoutez, bon courage. Merci beaucoup. Et puis, on espère que cette action, ça portera ses fruits. Oui, hein. Mais si ça ne va pas, on va revenir en coin. Hein? Oui. Si on les a bousculés. De toute façon, il faut insister. C'est ça, hein, c'est ça. Il faut bousculer la Belgique pour que la Belgique puisse fonctionner. Okay. Sinon, ça ne va pas aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, cas, madame. Vous avez beaucoup de courage et d'enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà. Non, c'est vrai qu'elle était vraiment très... volontaire. Voilà. Et alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les motivations des personnes qui osent franchir le pas pour entrer en formation chez vous? Alors, on l'a un petit peu entendu ici. Il y a notamment une des motivations principales, ça peut être suivre les enfants, suivre la scolarité des enfants. Donc, il y a un moment où, au début, on peut le faire. Et puis, à un moment, on est rattrapé un petit peu par ces difficultés de lecture, d'écriture pour suivre ses enfants. Et donc ça peut être un moteur vraiment important. Un autre moteur, ça peut être pour trouver du travail. puisque trouver du travail sans savoir lire et écrire, c'est vraiment extrêmement compliqué. Même pour des métiers manuels, très souvent, on a des tests écrits à l'embauche. Et donc, même pour des métiers manuels, ça peut être extrêmement compliqué d'y accéder sans, sans savoir lire et écrire. Donc, trouver du travail, la scolarité des enfants, être comme tout le monde, c'est aussi parfois des choses que les gens nous rapportent. Ils, ben oui, ben moi aussi, je veux être comme tout le monde, parce que ne pas savoir lire et écrire, ben, les gens portent ça quand même en eux comme ben, un manque. Ils veulent être comme tout le monde aussi. Et ne pas être regardé comme des bêtes curieuses. Et ne pas être regardé comme des bêtes curieuses, ne pas être humilié au guichet quand, après avoir fait la file, on leur demande de remplir un papier, ils disent qu'ils ne savent pas le faire, est-ce que la personne peut les aider ? On dit bah non, vous ne savez pas lire et écrire ou quoi ? Et donc ça c'est les témoignages aussi, on le voit bien, ça, c'est, on sait bien que c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, donc lutter contre ça et puis être autonome dans ses démarches, dans ce qu'on veut faire. Oui, voilà. Oui, dans les témoignages qu'on avait, qu'une personne de lire et écrire avait lu, il y avait le témoignage d'une femme qui avait dit à la banque qu'elle ne savait pas servir d'une carte de banque. Et alors, l'employé lui a répondu : mais alors pourquoi vous avez une carte de banque ? Oui, voilà. Donc, si vous ne savez pas utiliser, vous ne devrez pas y avoir accès. Et donc, c'est très humiliant, c'est très blessant, ce genre de remarques. Et donc, oui, voilà, vouloir être comme tout le monde et se dire, moi aussi, j'y ai droit, moi aussi, je dois pouvoir faire mes paiements. Mais ça demande parfois tout un travail sur soi aussi de... Psychologique, de se dire qu'on peut apprendre, que c'est possible, que c'est pas parce que justement on est bête, que non, on n'est pas bête, on n'a pas pu apprendre, mais maintenant peut-être que le moment est venu justement d'apprendre. Ok. T'as quelque chose à dire ? Non, pas pour l'instant. Ok. Et alors, ces personnes, elles viennent comme ça de leur propre gré ou elles sont envoyées par des organismes ou des institutions ou des... Alors, on peut avoir différents parcours, mais c'est une action vraiment importante, c'est justement de faire connaître que c'est possible, puisque ces personnes, elles vont venir peut-être parce que justement, elles ne savaient pas que c'était possible. Elles ne savaient pas qu'il y avait des centres d'alphabétisation, des lieux où elles pouvaient encore se former. Et donc, faire connaître que ça existe, qu'on essaye d'avoir une certaine proximité aussi, d'avoir des centres un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Puisqu'elles vont venir parce qu'elles ne savaient pas que c'était possible. Et puis là, quelqu'un leur en a parlé. Quelqu'un qui était dans la même situation a suivi une formation. Et donc ça, c'est important. Après, on a aussi des personnes qui sont orientées par leur assistant social ou leur conseiller emploi qui peut le dire, une fois qu'on a identifié ces difficultés-là, les orienter pour s'insérer dans un parcours de formation. Ok, mais on va peut-être passer maintenant à l'ordonnance Bruxelles numérique. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne saviez pas très bien ce que c'était, mais on va quand même écouter la prise de parole de la personne qui a parlé de l'ordonnance Bruxelles numérique au pied de la Tour des Finances. Sans doute Bernard Clerc Failly, qui est le ministre bruxellois de la transition numérique, entend faire de Bruxelles une smart city. Une ville intelligente, en fait, une ville où le numérique est roi et où les nouvelles technologies occupent encore plus de place. Dans cette optique, les partis au pouvoir à Bruxelles veulent faire passer une nouvelle loi. Dans notre région, il se dit que l'ordonnance Bruxelles numérique sera votée en octobre, le mois prochain. Mesdames et messieurs, l'ordonnance Bruxelles numérique de Clerc Failly. Il faut s'opposer à cette ordonnance, car c'est un texte législatif qui va complexifier encore plus l'accès au droit pour les personnes en difficulté avec l'écrit et pour les personnes en difficulté avec le numérique. En effet, cette ordonnance va établir la communication numérique par défaut entre les administrations régionales et locales et les citoyens. Si cette ordonnance est votée, le digital sera le principal canal de communication avec les administrations. C'est ce qui est appelé digital par défaut. À lire et écrire, nous voulons la défaite du digital par défaut. Au digital par défaut, nous opposons le face-à-face par défaut. Alors, si je vous dis digital par défaut, vous me répondez digital par défaut, non, non. Digital par défaut, non. Digital par défaut, non. Face-à-face par défaut, oui. Face-à-face par défaut, oui. Digital par défaut, non. Face-à-face par défaut, oui. Gönlüm ağlar gülmez. Nazlı yârim gitti gelmez. Tanrım niçin aldın o gül yüzümü? Nazlı yârim gitti gelmez. Tanrım niçin aldın o gül yüzümü? Nous sommes toujours sur Transdanar, l'émission anarchiste de Radio Réal Libre. Donc, vous avez entendu dans l'intervention de la personne là, devant la Tribune des Finances qu'elle parlait de l'ordonnance Bruxelles numérique. Oui, tout à fait. Donc, c'est en lien direct avec l'action qu'on a menée le 8 septembre donc pour protester contre la fermeture des guichets. Qui est un phénomène qui s'est vraiment accéléré avec la crise Covid, avec les mesures de confinement. Il y a énormément d'administrations, mais de services aussi d'intérêts généraux, comme les banques, les mutuelles, les syndicats, qui ont fermé leurs portes. Et on renvoyait systématiquement les personnes sur ordinateur, des interfaces web, des applications smartphone ou des répondeurs téléphoniques à n'en plus finir. Et on se rend bien compte que ça complique extrêmement l'accès, l'accès aux droits, l'accès aux services pour beaucoup d'entre nous et particulièrement les personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture. Et cette ordonnance, elle vise en fait à institutionnaliser ça, c'est-à-dire à faire du numérique le mode de communication par défaut. C'est-à-dire que l'administration, dorénavant, ne communiquera par défaut avec les citoyens que par voie électronique. Sauf si on fait la demande, par exemple, ou dans certains cas de figure. Mais par défaut, c'est ça qui est prévu par cette ordonnance. Alors on ne sait pas exactement comment ça va être tourné. C'est une directive qui vient de l'Union européenne, ce digital par défaut, mais qui prévoit normalement vraiment toujours le maintien d'autres canaux à côté. Et c'est un petit peu ce qui nous fait peur, ce digital par défaut, c'est les canaux qui vont être maintenus à côté. Quelle qualité, quel accès sera vraiment encore garanti à côté des accès numériques ? Donc on parle parfois de maintien de guichets, mais on se rend compte qu'ils ne sont ouverts qu'à des heures pas possibles, ou qu'il y a un répondeur téléphonique, mais il y a une heure de fil et il faut faire un menu extrêmement compliqué pour avoir accès à quelqu'un. Donc de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on va vraiment continuer à garantir un accès aux services, aux institutions pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ou qui ne veulent pas utiliser les voies numériques ? Ok. Et alors, ce que vous réclamez, c'est que les gens quand même ouvrent leur guichet au moins peut-être une fois, une matinée par jour ou quelques heures par jour pour qu'il y ait quand même une permanence. Donc nous, on veut des guichets, ça c'est sûr. On veut qu'il y ait des guichets qui soient accessibles, qui soient vraiment accessibles et donc pas, c'est ce que je dis quoi. Hein, avec des heures d'ouverture qui permettent à chacun d'y accéder, où on ne doive pas prendre rendez-vous par Internet pour pouvoir y accéder, mais vraiment un guichet qui soit ouvert à chacun. Surtout que les rendez-vous, parfois, ça prend des semaines pour avoir un rendez-vous, et que quand on a besoin d'un truc urgent, ça devient compliqué de pouvoir... Ouais, ou parfois il faut montrer patte blanche pour avoir au rendez-vous. Il faut vraiment dire oui, mais vous devez d'abord faire ceci. Ou est-ce que vous avez fait cela? Mais sinon vous devez faire ceci. Donc non, enfin un guichet qui soit accessible à tout le monde et à des heures acceptables. Voilà. Donc ça c'est vraiment une revendication. À côté de ça, on veut qu'il y ait quand même une prise en compte des difficultés numériques. Des personnes, que ce soit des difficultés d'accès et notamment au niveau de l'accès à Internet. Et donc nous, on milite aussi pour un tarif social lié à la connexion Internet, mais qui prenne en compte la connexion mobile, puisque énormément de personnes qui sont plutôt dans les milieux précarisés, ils se connectent à Internet via leur smartphone. Et donc on veut que le tarif social puisse s'appliquer aussi à des connexions mobiles. La possibilité de se former, l'accès au matériel aussi. Et enfin, si jamais il y a effectivement numérisation, digitalisation de certains services, on aimerait que ça soit pensé de manière vraiment inclusive pour tout le monde et qu'on prenne en compte, en considération, les difficultés, notamment des personnes analphabètes, ce qui pour le moment n'est pas le cas ou très très peu. On nous consulte parfois, mais généralement, c'est vraiment tout en fin de processus où de toute façon, tout est déjà développé, il n'y a rien moyen de faire. Donc non, il faut vraiment que cette numérisation soit pensée dès le départ pour qu'elle soit vraiment accessible au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Par exemple, pour la mutualité, moi j'ai un diplôme universitaire, j'ai essayé de régler... les factures d'hôpital et tout ça par Internet, c'est juste impossible. C'est le parcours... Enfin, pour un alphabète ou académique, c'est la même chose. C'est juste tellement mal foutu, mal pensé. Ça fonctionne à peine. Donc, je suis vraiment obligé d'aller au guichet comme tout le monde. Voilà. Et donc on voit bien que bon, ça ne concerne pas que les personnes qui sont analphabètes non plus. Le dernier baromètre de l'inclusion numérique publié par la Fondation Roi Baudouin il y a deux, trois semaines, on fait état de 46% des Belges qui sont en situation de vulnérabilité numérique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on se trouve empêché dans l'incapacité de faire une démarche à cause du numérique. Alors voilà, on peut tous être amenés à un moment à être bloqués comme ça, mais ça va être d'autant plus le cas, et ça va venir d'autant plus souvent pour la plupart des démarches pour les personnes qui ont des niveaux de formation beaucoup plus bas, quoi. Oui, puis dans ces cas-là, elles abandonnent et elles ne payent pas ou leurs factures ou ceci ou voilà. Et... Alors elles abandonnent ou elles font tout ce qu'elles peuvent, mais finalement elles ne font pas les démarches comme on peut, et donc elles n'accèdent pas à leurs droits. Elles ont reçu un mail où elles devaient confirmer, mais elles n'ont pas accès à leur boîte mail, donc n'ont pas pu confirmer dans les délais, donc ben, finalement n'ont pas pu accéder à la bourse qu'ils avaient demandé. Donc on va voir toute une série, on a vraiment toute une série de témoignages, et on en a entendu aussi ici, de personnes qui n'ont pas accès à leurs droits, à leurs allocations de chômage, la mutuelle, qui n'arrivent pas à inscrire leurs enfants dans des activités extrascolaires, en stage, à l'école. Et donc ça met évidemment les personnes, les familles dans des situations épouvantables. Quand on n'est pas payé depuis trois mois, ça peut être très très tendu, quoi. Mais... On va peut-être passer les témoignages des deux travailleuses sociales qui est aussi à la Tour des Finances. Il y en a une qui fait partie d'une cellule logement, je crois. Et la deuxième, c'est une femme qui est très en colère. Bonjour à toutes et tous. Je viens de la maison de quartier Bonnevie à Molenbeek. On travaille sur les questions de logement. En fait, cette dématérialisation des guichets, que ce soit au niveau des CPAS qui deviennent très peu accessibles, au niveau du syndicat, tout ça, ça signifie que les gens ne touchent pas de quoi payer leur loyer. Si on ne paye pas son loyer, on se retrouve en justice de paix avec une menace d'expulsion. Tout ça a des conséquences extrêmement graves sur des populations et c'est un vrai scandale. Et les travailleurs sociaux sont usés parce qu'ils font le travail à la place des administrations. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Bonjour tout le monde. Je suis contente de me retrouver ici devant vous et en même temps en colère, vraiment en colère. Parce que si on se retrouve ici ce matin, parce que nous sommes tous ici travailleurs sociaux et nous avons un droit à revendiquer. Parce que nous ne devons pas travailler à la place de ceux qui sont derrière nous dans les bureaux, bien assis sur leurs chaises. Et nous sommes là à regarder les pauvres personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui savent pas où aller. Qui ne savent pas où aller, à quelle porte frapper pour se faire entendre, pour lire son document, pour savoir comment payer sa facture, pour savoir comment utiliser son smartphone, pour savoir comment ouvrir un ordinateur. Et alors, parce que tout se passe par l'ordinateur et smartphone, s'il vous plaît. Donc, pour le moment, il faut avoir sa poche bien remplie pour acheter un ordinateur et un smartphone et parler derrière un ordinateur et un smartphone pour prendre son rendez-vous, pour écrire un mail. Et déjà, ils doivent déjà savoir écrire et lire. Et à quel moment ils doivent savoir rédiger un mail pour envoyer à telle personne qui attend qu'on perde sa facture, à telle personne qui attend qu'on prenne son rendez-vous pour aller voir un médecin, pour avoir accès à je ne sais pas moi quoi. Je suis travailleur social à l'ASBL La Rue. Normalement, je suis animatrice pédagogique et formatrice alphabétisation. Mais je me transforme tous les jours en assistante sociale qui écoute les problèmes des apprenants. J'en ai marre. en avons marre. On est marre. S'il vous plaît, on a besoin que ces guichets rouvrent. Ouvrez les guichets pour que les gens vous voient en face et exposent leurs problèmes. Est-ce qu'on veut que ça soit fermé ou ouvert? Merci. Voilà, donc c'est un témoignage quand même assez fort d'une travailleuse sociale qui commence à en avoir assez. Oui, on entend la colère, hein. Donc, parce que fatalement, les personnes n'ont plus accès au guichet, à l'administration, où elles peuvent venir exposer leurs problèmes, où elles ont reçu leur courriel, elles savent plus comment faire ou comment se dépatouiller avec les démarches qu'elles doivent faire. Le guichet est fermé. Ben, finalement, la personne chez qui on va se rabattre, bien souvent, ben, c'est l'animateur d'école de devoirs, c'est la formatrice d'alphabétisation qu'on entendait ici, c'est un assistant social, mais qui doit tout d'un coup se mettre aussi à remplir les déclarations d'impôts parce qu'il n'y a plus d'aide non plus pour ça. Et donc tout le secteur là se trouve à devoir finalement faire le boulot de ces administrations, de l'administration, mais aussi des services privés comme la banque, la mutuelle, le syndicat. C'est finalement le travailleur social qui doit faire toutes ces démarches sans être du tout un spécialiste justement de l'administration et des procédures qui sont liées. Donc effectivement, on entend pas mal de ras-le-bol là parce que c'est pas satisfaisant. On sait bien qu'on ne le fait pas aussi bien que le ferait la personne au guichet, et on ne sait pas faire son travail puisqu'on est occupé à faire autre chose, quoi. Ouais. Oui, la société va bien mal en ce moment. Oui, mais c'est juste pas, c'est pas que ça va mal, c'est qu'on veut mettre quelque chose en place qui est juste très mal pensé, en fait. En plus, oui. Mais il faut essayer d'arrêter ça. Ah oui. Et c'est compliqué. Oui, c'est ici, on a plus l'impression qu'on est dans une sorte de dogme que c'est la modernité, que l'informatique, c'est nouveau, c'est moderne, et donc c'est bien, et donc c'est mieux. Sans réfléchir un petit peu au-delà. Et donc, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas pensé véritablement. C'est juste, il faut numériser, il faut digitaliser un maximum, et ça va aller mieux. Il faut aller avec son temps. Voilà, mais ce n'est pas davantage réfléchi. Et donc, c'est une sorte de croyance, de foi comme ça dans la technologie qui va résoudre tous les problèmes. Et la réalité nous rattrape et nous montre bien que ce n'est pas le cas. En fait, on en revient au début où on se disait que peut-être la société elle a peut-être besoin d'une population illettrée et qui n'a pas forcément besoin de réfléchir. Oui, ici, je pense aussi que au niveau de la numérisation, c'est vraiment des processus qui sont pensés par des gens qui n'arrivent pas à concevoir que non, it's me n'est pas une application super simple, facile à utiliser pour tout le monde. C'est juste, on ne conçoit pas, on n'arrive pas à concevoir qu'en fait c'est quand même compliqué, que ça nécessite toute une série de compétences pour pouvoir l'utiliser, quoi. Ok, et donc au niveau du gouvernement, ça bouge un peu ou c'est toujours un peu fermé ou... Ben ici, on a profité donc de nos actions du 8 septembre pour envoyer un signal quand même aux politiques, pour envoyer aussi une lettre ouverte aux ministres compétents. Alors on a des réactions de certains partis. Maintenant, on aimerait bien transformer les réactions en action et donc surtout les mobiliser sur cette question de l'ordonnance qui est en préparation, mais où on n'a pas encore, on ne sait pas vraiment quoi va consister le texte. Et donc on aimerait bien avoir plus d'informations là-dessus et davantage de garanties sur parce que le texte, fait que... Vous n'êtes pas consulté pour pouvoir rédiger le texte? Alors on n'est pas consulté, mais surtout on ne sait même pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Donc on a surtout eu des déclarations qui nous inquiètent, vu comment les choses se passent jusqu'à présent au niveau justement des guichets, des répondeurs de téléphone, etc. Et donc on aimerait bien avoir beaucoup plus de garanties à ce niveau-là, oui. Ok. Ben, vous avez encore des questions à poser? Non, pas pour l'instant. Serge? Non. Bon, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. quels sont. Oui, je vais juste rajouter que voilà pour les auditeurs, les auditrices sur la page internet de lire et écrire, il y a cette lettre ouverte. Il y a encore moyen de la signer en tant que citoyen. On peut. C'est la signer. Lettre ouverte qui avait déjà été envoyée avant l'action. Oui, voilà, mais on peut la signer parce qu'on continue à avoir des gens qui signent et donc pour donner plus de poids quand même. Et on a une mobilisation qui est en train de s'organiser justement quand on aura un peu plus d'informations sur le moment où sera examiner cette ordonnance au Parlement bruxellois. On va continuer à se mobiliser pour faire entendre notre voix. Donc, consultez notre site internet et vous pouvez, en signant la pétition, du coup, avoir aussi accès. On vous enverra les infos pour vous tenir au courant, quoi. Ok, écoutez, c'est parfait. On sera là et on en parlera à la radio. Et si vous voulez revenir en reparler après, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, oui. Toujours les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On va passer un petit morceau de musique. Mama Ruth, she was the queen of the little red, white, and blue. Mama Ruth, she was the queen. Bye, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine man got heat strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la la la la, fru fru. Like a rival, la la la la, fru fru. If you see us, bye, boy. Sitting in the bush, mess him on his head, give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Ooh, he fast for the medicine man. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Better not get in the way. Got the second line fever today. Sang a wham, bam, hang the hand. Come on down, brother, follow me. Wham, bam, thank you, man. Come on, brother, follow me. Mama Ruth, she was the queen of the little. She was the queen of the little red, white, and blue. Ma'am, bam, thank you, ma'am. Come on, boy, now follow me. Wham, bam. Hang the hand, come on boy, then follow me. And wham, bam, spram, sam. Come on boy, then follow me. Then wham, bam. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Je suis monsieur Hussein Rehan. Syrien. Reykan. Reykan. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Depuis 10 ans. 10 ans? Oui. Et alors, vous travaillez ou vous avez quelque chose? Pour l'instant, je suis surtout au chômage. Au chômage? Oui, avant j'étais travaillé, mais mon contrat s'est terminé et j'ai tombé dans le statut de chômage. Okay. Mais entre ce temps-là, je vais essayer pour aller à l'école pour améliorer mon français, pour s'intégrer. Ben voilà, j'ai essayé plus de mes droits et devoirs aussi, bien sûr. Voilà. Et alors pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Aujourd'hui je suis là pour voir, pour essayer, pour arrêter tout ça. C'est parce que quand je vais aller dans une commune, ils ont dit voilà, vous faites par email, mais je n'arrive pas à lire et écrire. Et c'était pour ça que j'ai besoin d'une aide pour voir. Allez, avant Covid, c'était plus calme, on va aller prendre rendez-vous pour quelque chose. Mais maintenant, ça va dur. C'est très dur parce que je n'arrive pas à écrire et lire aussi. Ok. Et c'était pour ça. Et vous êtes connecté à Internet ou pas? Je sais, mais je n'arrive pas bien fait à envoyer un email. Oui. À cause de ça, je me bloque. Je me bloque. Et ça vous pose des problèmes dans votre vie? Oui, bien sûr. Ça, c'était un gros problème. Quels sont les problèmes? Parce que si j'ai fait une demande employeur, chercher des employeurs, je n'arrive pas. Comment j'ai fait avec entrepreneur pour dire que voilà, ma candidature était là. Je vous présenter mes papiers, mais ils ont demandé toujours par l'email. Et ça, c'est difficile. Et ils vous répondent normalement par email aussi? Ils ont répondu par email, mais comme je ne lis pas, alors ça veut dire que je me bloque et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et vous êtes marié? Oui, je suis marié. Et votre femme, c'est la même chose? La même chose. Aussi. Et la vous avez des enfants? Si. Et ils vont à l'école? Oui. Et eux, ils arrivent à s'occuper de vos papiers ou de vous aider à faire des choses? Si je comprends, j'aide les enfants, les petits. Mais si je n'arrive pas, à qui je demande à ça? Chaque fois, je demande à quelqu'un qui comprend. S'il te plaît, vous m'aidez, je pars à gauche, à droite pour demander à quelqu'un pour nous aider à les enfants, pour du mieux, qu'est-ce que c'est besoin? Mais les enfants, ils ont quel âge? Ah, ils ont petit encore, 10 ou 12, c'est oui, comme mais ça. Oui, mais ils ont appris le français. Oui. Donc ils parlent le français, ils parlent français, mais mon français c'était bas. On n'arrive pas bien à se comprendre, même à la maison. Si j'ai dit à mon fils ou ma fille, allez-vous m'aider pour faire envoyer une email à mon entrepreneur, mais il ne savait pas comment faire. Il lit, mais ça veut dire quoi? Oui, et donc ils n'arrivent pas à exprimer par mail ce que vous voulez savoir. Voilà. Et vous croyez qu'avec une grosse action comme ça, le gouvernement va pouvoir changer? Peut-être, si on est là aujourd'hui exactement pour ça, on va essayer. Sinon, on va essayer encore une fois, encore deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ça va aller. Oui. On bien essaie. Ok. Si on n'essaie pas, on reste bloqué dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Ok, ça va. Bah écoutez, merci beaucoup et bon courage. Merci, merci et à vous. Et si on peut vous aider, on fera tout maximum pour vous aider. J'espère, comme ça, si on va continuer, j'espère que ça va aller, c'est ouvrir cette guichet. À tout à l'heure, comme on a dit, nous ne sommes pas robots, nous ne sommes pas numéros. Et voilà, on vit dans la vie, on est là pour travailler, quoi. On gagne comme ça, on est bienvenus ici, mais une chose qui nous bloque. Ouais, ok. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Merci. En tout cas, merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Voilà. Bon, alors maintenant, nous allons passer à l'agenda. Attendez, ne quittez pas, parce que je prenne mes feuilles. Alors, je vais d'abord vous parler de toutes les émissions, de toutes les activités qui ont lieu d'une façon un peu souvent, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes dates. Attendez, tout ça fait partie de l'agenda. Excusez-moi, mais j'ai été prise de court par la musique. Voilà. Alors, ça c'est le 22 septembre, ça c'est ça, et ça c'est ça. Ok. Voilà. Alors, donc, il y a des activités. Donc, tous les jeudis, donc de 17h à 20h, vous avez l'ouverture de la bibliothèque anarchiste, le Zotte Morgen. Alors, cette bibliothèque se trouve 32 rue de la Grande Île à Mille-Bruxelles. C'est entre la Bourse et Annecens. Alors, il y a la bibliothèque, la distro avec de nouveaux titres, l'archive des publications de lutte et le coin Very Bad Kids. Et donc, vous pouvez aussi venir discuter et échanger. Donc, c'est tous les jeudis de 17h à 20h. Alors, tous les lundis, mercredis et jeudis de 19h à 21h à la Pompe, au 185 rue Royale Sainte-Marie 1030, le NMS Boxing Club, qui est un projet politico-sportif. est un espace féministe et populaire qui véhicule des valeurs antifascistes autogestionnaires de respect mutuel et de transmission des connaissances et des expériences. Et c'est aussi un lieu d'entraide, de solidarité, d'apprentissage du sport et des luttes féministes. Donc le MNS Boxing Club s'adresse à des groupes mixtes de femmes et minorités de genre. Elle a pour but de créer une organisation féministe selon une double perspective pratique sportive et discussion politique. Alors vous aurez de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du renforcement musculaire qui sont les pratiques sportives proposées. Alors si vous voulez avoir le programme de ce NMS Boxing Club, vous allez sur stut.info. Alors, il y a également l'Ecotopia Bike Tour 2022 qui a commencé donc le 3 juillet à Amsterdam et se poursuit pendant 3 mois à travers les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France et jusqu'à Marseille. Alors, le cyclotour Ecotopia est un tour à vélo autogéré organisé depuis 1990 chaque année par un collectif international à travers l'Europe. Pendant le cyclotour, nous visitons des projets et lieux qui s'attaquent aux problèmes environnementaux et sociaux et pratiquent du militantisme activisme et ou des formes de vie respectueuses de l'environnement. Le tour est vegan, les décisions se font au consensus et nous souhaitons autant que possible organiser des ateliers de transmission. Alors, pour plus d'infos sur les dates et les conditions, voir en ligne Ecotopia Bike Tour 2022. Alors, il y a également la coalition Code Rouge Road. Code Rouge est une nouvelle plateforme d'action initiée par des citoyens et des citoyennes, des étudiants et des étudiantes, des élèves, des grands-parents, une coalition d'organisations et groupes d'action qui lance un appel à la désobéissance civile et soutenue par Agir pour la paix, Greenpeace, la gauche anticapitaliste, ADES, Youth for Climate, Vridaxi, entre autres. Alors, pour info sur les dates, il faut voir en ligne, donc https://code-rouge.be ou alors sur site info. Alors, tous les lundis de 14h30 à 17h30, il y a une permanence squat qui s'appelle À l'assaut du vide, c'est au Burtwinkel, 13 Place Anne Sens à 1000 Bruxelles. Alors c'est pour l'occupation subversive, sauvage, nécessaire et dérisoire des espaces vacants. Alors vous avez un contact, c'est remplir-le-vide@riseup.net. Ensuite, tous les mercredis de 17h à 21h au Nast Monique, 230 Quai de l'Industrie 1070 Bruxelles, donc Anderlecht. Vous avez le Café Queer, qui est un moment convivial pour se retrouver et faire communauté. Pendant les permanences, La Foudre, une bibliothèque queer féministe et dynamique, atelier vélo en mixité choisie, meuf X plus queer et la salle coiffe, un salon de coiffure autogéré, sont ouverts. Ensuite, alors, du 16 au 30 septembre 2022, au Fort de la Chartreuse, c'est une ZAD qui existe depuis le 16 septembre. C'est le Fort de la Chartreuse à Liège. Ce 30 septembre, l'autorisation judiciaire d'expulsion de la ZAD délivrée à Matexi prendra fin. En fait, c'est une zone à défendre, enfin qui est un endroit à défendre et contre la société Matexi qui veut bétoniser toute la zone. Alors, dans le même temps, tout le monde est dans l'attente que les négociations menées par le bourgmestre Willy de Meyer aboutissent enfin et actent définitivement la préservation de la forêt. En fait, c'est une forêt. Ces 2 semaines seront donc cruciales dans l'aboutissement des négociations. Pendant ces 2 semaines, l'occupation quotidienne et aussi vivante que possible de la zone sera le meilleur moyen de dissuader la police d'intervenir. Donc, nous vous invitons aussi à nous écrire sur Chartreuse la zone, en un seul mot, @protonmail.com pour proposer des activités. Alors, montrons à Matexi que la Chartreuse est à nous tous et toutes et que nous ne les laisserons pas la détruire. Longue vie à la Chartreuse. Alors, du 19 septembre au 24 septembre, dans 9 lieux bruxellois, la Bellone, la Cinémathèque, le KVS, la Montagne Magique, le Musée Mode et Dentelle, le Musée de la Ville de Bruxelles, les Riches Clairs et la Tour à Plomb. Il y a le Festival Femmes, c'est le nouveau festival des arts de la scène qui aura lieu sur Bruxelles. Sa vocation, faire dialoguer les arts et les féminismes et faire découvrir de nouveaux imaginaires plus inclusifs et plus justes via le travail artistique et les réflexions des femmes et des minorités de genre. Alors, vous pouvez voir la programmation également sur Stutinfo. Alors, du 22 au 30 septembre, au DK, rue du Danemark, à 70B Saint-Gilles, donc le DK en septembre, a plusieurs activités. Donc le 22 à 18h30, c'est le DK Cabaret, Vive la commune cosmique. Lecture, musique plus micro ouvert avec Boris Krak, Rachel Guzella et Tom Nice. Le 23, donc après-demain, à 18h30 également, te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif. Comment expliquer le malaise des travailleurs et des travailleuses dans un secteur qui se veut a priori plus accueillant et significatif que le privé? Le CADTM, Éconosphère et Politique Revue des débats vous invite à un débat en présence des autrices Lily Zalzette et Stella Finn. Bon, plus d'infos dans cet article sur Stutinfo. Le 25 septembre à 18h, alors il y a un hommage à Semira Adamou. Alors, avec des lectures et tables d'hôtes, une soirée donc de commémoration qui est organisée par le DK Migration. Le 28-9 à 18h30, un monde sans ASBL, point d'interrogation. Projection du documentaire 2021 Hypothèse Association de Michel Stewart. Plus un débat avec le Centre Vidéo de Bruxelles, le Collectif 21. Les Siménéa Belgique et le réalisateur. Que va devenir l'associatif pardon. Et quelles sont vos hypothèses? Alors, le 29, donc à 18h30, l'économie mutuelle, une société sans capital, conférence gesticulée et présentation du livre avec Patrick de Sartre. Et enfin, le 30 septembre, de 10h à 17h, caravane des migrants. Le DK Migration accueille la caravane européenne des migrants pour un moment de rencontre et de partage. Alors, plus d'infos sur la marche to Brussels ici. Alors, du lundi 26 au vendredi 30 2022, dans plusieurs lieux également, Hôtel de Ville de Bruxelles, Centre Flagey, Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles, Parlement flamand, rue de Louvain, 86 000 Bruxelles, et le Théâtre Marny, rue de Verny, 25 000, 1050 Bruxelles. Il y a la semaine Drogue, Dépendance et Société qui rassemblera plusieurs événements phares sur le sujet et sera entre autres l'occasion de rassembler des acteurs d'horizons très divers, de mettre en avant les pratiques les plus pertinentes et les recherches les plus récentes, de faire évoluer de manière collective le regard que nous posons sur ces questions. Une semaine pour répondre aux défis contemporains des usages de drogue et conduite addictive. Alors c'est un événement de Stop 1921, Fedito Bruxelles, ASBL et Smart on Drugs. Alors les réservations sont obligatoires sur https://drugsandsociety en anglais, en un seul mot, .be. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceci. Mais il y a pour des événements ponctuels. Le 22 septembre, il y a plusieurs événements. Donc, de 17h30 à 20h45, à la salle de la COP, il y a un espace partagé. C'est un espace partagé de travail. C'est rue Conrad, 72 060 Saint-Gilles. Il y a une conférence gesticulée de Sarah Delatte, suivie d'un débat avec des acteurs et des actrices de terrain sur le thème « Un logement pour toutes et tous ». Alors, il faut s'inscrire sur Google Forms. Alors, vous pouvez regarder, avoir des informations sur smart.be. Le 22 également de 18h à 20h, à 22h, pardon, à la pompe 185 Royal Sainte-Marie 1030 Scarbeck. Alors, il y a une soirée en commémoration à Semira. Semira, on n'oublie pas. Avec la projection du film « À l'usage des vivants » qui débutera à 19h et sera suivie d'une discussion sur les luttes en cours pour la liberté de circulation et contre les centres fermés et les frontières. Alors, ni frontières ni prison, ni oubli ni pardon. Entrée prix libre, bar et petite restauration sur place. Et il y a un espace prévu pour les enfants de 18h à 20h. Donc le 22 septembre également de 18h à 21h30, au studio Le Logis Céréales, rue des Trois Tilleuls, 139 1170 Ouattamoy-le-Boisfort, il y a un ciné-rencontre « Moi, agricultrice » de Delphine Pruneau, plus un Gazap on tour. Dans le cadre du festival Nourrir Bruxelles, Quinoa, le réseau de Gazap, Rencontre des continents et AIA, s'associent pour une soirée dédiée au métier d'agricultrice et à leur lent combat pour l'émancipation. Alors, il y a une réservation qui doit être faite via quinoa.be /nourrir Bruxelles. Voilà. Ensuite, le 22 septembre 2022, encore à 20h à l'espace MAG, il y a la projection du film Araga, Ceux qui brûlent. C'est un film de Pierre Schoenbroth, journaliste vidéaste au Centre d'Action Laïque et réalisateur du documentaire. Alors, en Tunisie, on les appelle les Aragas, celles et ceux qui brûlent leurs papiers pour prendre le bateau et espérer une vie meilleure en Europe. La situation politique et socio-économique tunisienne est devenue tellement catastrophique que de nombreux jeunes préfèrent tenter la traversée de la Méditerranée. En juillet et août 2021, environ 8000 personnes ont atteint les côtes italiennes au départ de la Tunisie. Parmi eux, des Syriens, des Afghans, des Érythréens, mais aussi 70% de Tunisiens. Mais l'Europe, en voulant se transformer en forteresse imprenable, a fait de la Méditerranée l'itinéraire migratoire le plus meurtrier du monde. Cette frontière censée être infranchissable ne dissuade pas, mais tue. Voilà, donc le 25 septembre, de 16h à 19h, place des Guillemins, 4000 Liège, à Bruxelles, enfin à Liège, pardon, il y a une grande manifestation contre l'extension de l'aéroport de Liège. L'objectif, c'est d'être des milliers à Liège pour appeler le gouvernement wallon à stopper l'extension de Liège Airport. Alors, le 25 septembre, de 16h à 19h, aux Haute Morgan, 32 rue de la Grande-Île, il y a le Kids Punk Concert René Binamé. Nos gosses sont de la dynamite, faisons leur confiance pour tout exploser. Amenez les gosses dans votre entourage et rejoignez les Veribat Parents avec cet après-midi festive. Lancement festif autour des parentalités subversives et une place pour les enfants dans nos luttes et nos lieux. Le 30 septembre 2022, toute la journée au cœur de l'Europe, Bruxelles, et le 1er octobre 2022 à 15h, de 15h à 18h, place de Luxembourg à Ixelles, il y a la marche vers Bruxelles. Alors, plus aucun décès en raison de la migration ni aux frontières. Des droits pour toutes et tous. Les frontières de l'Europe tuent. Plus de 28 000 personnes sont mortes depuis 2014 en essayant de rejoindre l'Europe ou de franchir ses frontières intérieures. 49 000 depuis 1993. Elles viennent d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, disparaissent surtout en Méditerranée et dans l'Atlantique, mais aussi dans les Balkans, dans les Alpes, dans la Manche, dans la Bidassoa, au pied des Pyrénées et dans d'autres zones frontalières. En parallèle, les personnes qui parviennent à franchir ces frontières travaillent et contribuent au développement des sociétés européennes, sont parfois maintenues des années sans droit, sans papiers. Pour ne pas avoir les bons papiers, ils ou elles sont empêchés d'accéder à leurs droits les plus fondamentaux, comme l'accès à la santé ou à la justice. Ces morts et ces situations de vie sont invisibles pour la grande majorité de la population, tout comme la responsabilité de l'UE à leur égard. Or, de toute évidence, les États européens ne reconnaissent pas à tout le monde le droit de circuler librement et en toute sécurité, comme celui de jouir de ses droits fondamentaux. Le slogan est « Right, no dis », car en plus des morts, nous dénonçons la souffrance des personnes sans papier. Vivre, c'est vivre avec des droits. Alors, vous avez un site, c'est « Right, no dis ». Je ne sais pas si je prononce bien. C'est comme ça ? Je ne sais pas. Les droits, mais pas de mort. No. Rights, no death ? Death, c'est ça. Voilà, ben c'est tout. Ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc on va terminer. Oui. On va dire au revoir à nos auditeurs. Et on leur dit à dans 15 jours. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.